gens de la tradition et du groupe, gens de la tradition et du groupe, Ahlus Sunnati wal Jama'a. Les gens de la tradition et du groupe sont ceux qui s'attachent fermement à l'exemple et aux enseignements du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ainsi qu'à la voix de ses compagnons et de leurs successeurs. C'est un titre qui distingue les gens adhérents à la vérité de ceux qui suivent les innovations, bid'ah, dans la religion. Ahl sunnah wal jama'a suivent la vérité et ne se divisent pas en sectes religieuses. Ils suivent les préceptes sur lesquels les pieux prédécesseurs de cette communauté, Umma, se sont unanimement accordés. En matière de dogme, ils adoptent une position de juste milieu entre les sectes des deux extrêmes. De la même manière, dans les actes d'adoration et leur conduite, ils adoptent une position de juste milieu entre les extrémistes et les laxistes. Ils sont le groupe victorieux en ce bas monde et la secte sauvée dans l'au-delà. Parfois, un autre terme dénomme aussi Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Ce terme est Salaf Saleh. Cela signifie littéralement les pieux prédécesseurs. Ceci fait référence aux compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à leurs vertueux successeurs des premières et secondes générations, et à tous ceux qui ont adhéré au livre d'Allah et à la tradition de son messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui.